lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. On se retrouve pour Hentar Brezon avec Kentel Pemkand Dowarnugen 522. Est-ce que j'ai dit comme il fallait, Henri? Pemkand Adowarnugen, ya matri. Ah, Pemkand Adowarnugen. Oh, ya, mais Pemkand Dowarnugen, c'est moi, hein. Ça fait 522. 522. On commence par Gerio Arvué, Henri. Oui. Quel mot as-tu choisi aujourd'hui? J'ai pensé parler du mot délienne. Délienne, la feuille, hein. La feuille. Oui, j'ai été inspiré par le châtaignier qui est en face de chez nous, là, qui est en train de perdre ses feuilles. Et donc, ça m'a inspiré ce petit mot, délienne. Donc, la feuille, hein, qui est au point de vue botanique, hein, donc qui est l'organe essentiel de la vie végétale, hein, puisque c'est là que se fait la photosynthèse. Hein. Donc, délienne, on dit undélienne, hein, ou undélienne, hein. Donc c'est un mot féminin et qui désigne en breton donc la feuille au point de vue botanique, pas la feuille de papier, on verra ça plus tard. C'est un mot celtique qu'on trouve déjà en gaulois, qui existe en cornique, en gallois et en gaélique sous des formes très très très similaires. Voilà. Donc c'est un mot qui a un pluriel collectif qui est dél. Dél qui veut dire les feuilles en général, undél. Alors, le collectif représente en fait un pluriel, mais il y a aussi un pluriel qui est déliou. Hein. Ah oui, dans des chansons, on entend ça. Quod querianzo déliouvo, azolé dan, azolé dan. Quod querianzo déliouvo, azolé dan attendo. Azo tout le tadidou le gandorglo. J'ai entendu ça souvent, les enfants chantaient ça, ils ont appris ça à l'école. Ouais. Et... déliou bras, déliou zer, déliou en discaramzer. Voilà. Ouais, ouais. Et ça se chante toujours. Je sais pas qui est le recompositeur, mais il a eu du succès. Hein. Voilà, Quod Kerian. Alors, des mots qui sont dérivés de ça, un déliadur, hein, donc, qui est un mot masculin, comme tous les mots en adur, sauf plijadur, qui est la foliaison. Hein. La c'est foliaison. Quoi ça, la foliaison? C'est le feuillage? Non, la mise en place de la feuille, des feuilles, ouais, oui. C'est génial, j'apprends aussi des mots français. Oui. Ouais. Un déliage, le feuillage. Hein. Déliant, qui est feuiller, faire pousser des feuilles. Hein. Voilà, un mot botanique, délioden, qui est un foliole. Parce qu'il y a des feuilles qui sont des feuilles composées, comme le frêne, par exemple. Le frêne a des feuilles composées, et donc chaque... petite partie est un foliole. D'accord. La partie, la feuille complète, c'est toutes les petites parties voilà. Autour de la tige. Diséliant, c'est effeuiller, hein. Enlever les feuilles, hein. Et le participe passé, c'est diséliade, hein. Voilà. Alors la feuille, hein, bon, il y a beaucoup de poèmes où on parle de la feuille, hein, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Il y a des feuilles qui sont symboliques aussi, comme les feuilles d'acanthe, par exemple, sur les chapiteaux corinthiens. Ah bon ? Oui, les feuilles d'acanthe. C'est une plante vivace, hein, qui donne des belles fleurs, oui. Surtout le feuillage qui est beau, oui. Très brillant. Et donc, les chapiteaux corinthiens sont ornés de feuilles d'acanthe. Il y a la feuille de vigne aussi, qui sert à masquer le sexe des statues antiques, oui. Et puis beaucoup d'autres feuilles, hein, sur la feuille au point de vue botanique, on pourrait en parler longtemps. Et alors la feuille de papier, c'est Follen, qui est dérivée qui a été empruntée au vieux français, feuille, hein, F-O-I-L, qui était lui-même dérivé du latin folium. Hein. Et donc le pluriel, folenus, comme folenus distoc, hein, des chansons sur feuilles volantes. Hein, qu'on vendait autrefois sur les marchés, hein, des chansons d'Iwan de Brenberg, de Jean Mainen, par exemple. Hein. Le dernier que j'ai vu faire ça, c'est René Gac, qui vendait des chansons sur feuilles volantes en breton, à Rostronin, à Calac, sur les marchés, comme ça. Je pense que c'était quand? Je crois qu'il est mort en 72. Donc il était avec sa femme et il chantait dans la rue et il vendait j'ai eu l'occasion de lui en acheter, j'en ai quelques-unes dans mes archives, quoi. Voilà, et ben on va finir sur René Gac. On était parti de la feuille botanique et on termine sur René Gac. Brezhoneg tant ma tant maintenant, Henri, est-ce qu'on est toujours dans le dictionnaire gaulois ? On va terminer aujourd'hui, voilà, les derniers mots, alors les derniers, enfin on a fait une sélection, hein, parce qu'il y en aurait beaucoup d'autres, mais bah, ça donne une petite idée quand même. Alors, traînir, qui veut dire tourner, qui correspond au breton train, hein, qui veut dire tourner ou traduire aussi, hein, voilà. Tri, bah c'est trois, hein. Y a pas de miracle. Et tricontos, c'est 30, hein. Trégon en breton. Trincar, donc qui est coupé et qui a donné un verbe français, hein, trancher, et qui est parallèle au breton troran, hein. Troran. Turcos. Le sanglier, hein, qui est comparable au breton tour, hein, qui désigne le verra. Hein. Ah oui. Voilà. Uxello, qui est très haut, hein, et qui correspond au breton Uel. Hein. Comme dans Uelguat. Comme dans Uelguat, oui, Kern et Uel aussi, la haute Cornouaille. Voilà. Vano, qui veut dire faible. Fatigué, hein, qui est parallèle au breton Guan. Hein. Voilà. Vassos, qui veut dire un homme, hein, et qui a donné le breton, enfin qui n'a pas donné le breton, mais qui est parallèle au breton Guas, et qui a donné le français vassal. Voilà. Verno, l'aulne, donc qui est passé dans beaucoup de dialectes de la zone du français, à la fois au sud et au nord, hein, c'est la Verne, hein, qui a donné des tas de noms de lieux, hein, Verneuil, Vernon, tout ça, et le breton Guerne, c'est parallèle au breton Guerne, qui désigne à la fois l'arbre, hein, l'aulne, l'endroit où poussent ces arbres-là, c'est-à-dire le marais, et puis une utilisation qui est le mât de... des bateaux, quoi. Voilà. Par exemple, pas loin d'ici, il y a Vernoise, hein, le Grand Launay. Hein. Voilà. Il y a Guerne-Vienne aussi. C'est en français l'Aulnay. Hein. Voilà. Vindo qui veut dire blanc, et qui est, qu'on trouve très souvent, hein, dans les noms de lieux qui existaient en gaulois, hein, et ça a permis d'identifier beaucoup de ces noms de lieux qui sont passés dans le français sous des formes plus ou moins déformées. Et c'est parallèle au breton Gwen. Et puis on va terminer par Vocantos. Vocantos qui signifie vin. Et la numération gauloise avait été à base 20, comme en breton aussi. Hein, donc 20, 40, Dohugen, Trugen. Et en français aussi, puisqu'il y a 80. Voilà. En breton, ça va plus loin même, hein, puisqu'on a Huerhugen, Seizugen même. Hein, ça se dit un peu moins maintenant, mais Huerhugen, pour 120, c'était très répandu autrefois, quoi. Voilà, et ben avec Vocantos, on a terminé notre évocation des mots gaulois. Et on en reste là. On en restera là. Et on en restera là. On passe à Petras au Nevers-Vaud. Eri, Petras au Nevers-Vaud. Ben, Calzedra ou Evelgius Buervis Diusan. Krogum de Dientan et Velkis Acustum, Gandela au Bourdouar, à Gandorvu et War Armes. Erion Bremen, ben Mise du, à Genamzeres au Bidclou à War, Betag Bremen. Zerma de Biden Trevadou et Vidcard Buit et Videlonde de Pader Gouan, Dalarade, Ermaïs à Betraves. Guelve à Betraves, Hatton de Bavro, hein. Avec Zézon de Dravard, qui a Petras au bouet de Dispar, de Londres, de Veljust. Neveso, oua, bah, duot, puis on comes de ze Trevadou, em vaut Guini et Gourien, Breis, de la radé, a reine de ze plante Guini, de gout résine, à Dober Guin, qu'a emmevé Gret Guin, quand le nœud battut, ag, c'est tu, oua, Gret, on aime vaut de zun dutz, bah, duot, pu dur, strolad, ou abécrouet, bah, duot, des glaçons. Ag, quand l'un dutz veguet de Gwyn Gwen, alissant veguet, vegret Gwyn Gwen, ag, vécho, Gwyn Ru. Avec le meslar, déjà, des glaçons, ou abécrouet, strolad, bah, duot, juste voir, c'est tu, pérègne, une grède, un aime vaut, blanc, bah, duot, quand on tombe gwel, à Gérard, zone d'élandarvement, bah, Chris Brice. Et président de Gevridiges, Gérard Hall, zo chom badouarn, badouarnené, med bon bédé, regamad, bah, breizam, bah, kreis breizam, an de scrive trou di warben œuvre ou en même. A di warben arguini. Di warben arguini, bon, pelzo et veljus ve gait gruin, bah, breiz, bah, brunan ou la de veljus, hein, med on tant me pebler, breiz me mestra. À ma change, Namzer, Skolamzer, Pelarinma, de vos murs, Guin, bah, Namzer de son, de Brace. Bon, mine velim que zim, et ton d'oreille, ma treize. Ur vegel, moi, comme je tarde ce stol, les sinutra, zo bezav a bakarez, evit or bleu de lèze, vit bugal et brochina. A juste voir, ur mar aimant, zo calz de bleu de lèze, war un marat. Peut dur, 300 000 tonnes bleu de lèze, pout de lèze, ma peçoan, in galak. Zo bet pren, le grand bro Europa, a spen, triugen mille, ba brovrans en main. Anne que zur, vos corps de guerres, evit tout d'or bleu de lèze, Bénéfine, hein, bon, gouelleret, cudé nous autres des modes gandelès, boué, de ce que cota yautine. Bon, dans mon temps, moi, d'achen, un endro, bavro, bavro, herméni, l'air vegred, calzedro, or, comme une névez au bizarre, hein, bon, et que d'ailleurs, bah, mis chien, vos crog, grand zi, or, comme une névez, quand tout de parou, je vois, rog ba strolat commune ou armienne a gien ave klask de ne bla yo zo or mod de von de vous demren ma peswan noir dash en energies un da square ave klask de mon menou ners neve ba place de yulmen ba place de pétrole ma caret vel yul colza ag hydrogène ag bob sortou ag justement d'or marément ave gred ave kasowarog ba bro armienne Or mené velar badus, hein, or mené, or studiaden vidim pli jen tredan, nioul colza hag un hydrogène vid kaz warog un otoyo. Hag studiaden se vo gret gant per den yoan, zo hober o studi ba skol insa ba roazan. Hein. A ple, pal studiaden se e kavout ur mod neve ma peswan de gaz en trou de boudem ren roger bla pem pemwarnugen bla auton hein de ville pemwarnugen puis on au comme de énergies stala pro bois de scarez zo ronde de stal neve ba rostren warnen kergris moelou a ag stala pro bois zo scope ag zo rala bord de calze dut ag tu t'empêches de casner à basta le rostren vos gred grenen quat evit tombo en tir ag mezon vos gred calz un grenen quoi dis evit tombo en tir azizo mat plusieurs vos classes que tu de la bourate basta le neve de ce politiquer ne gomzin que calz ervegement plus dur or politiquer rien ne s'occupe quand leur vota des goûts de zone à passe calz grand cudé noir fro Même strase au diviso, Hermar aimant, Babro, Craze Braise, Hop, Velvelard, puis dur, Matres, en Vaugred, or prête, zo, sort bro, mais, quand trouve dis Hendvel, ag, bon, n'est que zur, roi, c'est en beau jeu, zo, très, pas rouge, bon, guelvo, pis sa mot, vaucon. Dampta, war, hender, zévenadur, brom, noir, dash, en orvez, nevezadur, zévenadur. Nevesso, baroison, ou abed gred au nemvod, vaud, grand calze dut, evit combs de spolitiquer, as or andvro, evit or brezonek, evit yez ou brez benefin, pelar en verion, brezonek ag galowek. Ag, arro abo, de kan hanter kan de dut, evit combs, de ze rayo jon, joar en trause. Deugen lasso, déjà, plus dur, wabed kro de skol diantan diwand, ba lambol pou dalmeze, denez a berno war meskol, meskol diantan wabed, a pembug loa ba skol. Hag walerze o wabezav de skol yuel gant diwand, a klas ou diwiez gant diwiez a dihun, hag boe kres tan matam niver an skol idi, met chombo rampel me mestra waler pezwe gwelet ba Elzas, pe ba Neuskadi, hein, pe ba Brocorsica, a Gouskoude, et vreton de ne caroyez, ne sgred ur mu en strivou, et vidzei, mais de ziroir a pen ou bras, en hein, men que de, n'en que calz de youl warze, quoi. A benefine, bon, n'a que gual vounis en trou. Warma mustache, en tache en embraisonnec, yannick kerlogo, de zo bremo, kark, de zo yez ou breis, ba cousul département Ono en Arvor. Hag hemezo han avon mod bavro, hein, zo'n din en parloir en dachens. hag ezel deus kuzul mer an RKB. Bonne chance, vous aurez de la rampe dans Warren Darshans. Il change crac à crac. Ne ce que quoi le belzo ou abed disclairie de carta trop brohal. Un tour de France, je vais l'art dans un heure d'hier. Avec un blanc, vous dit pite de réseau. D'idée, le grand c'est plus dur de drame que tombé de bavro. Bavro, vrai, ils emmènent n'a tombé de Bacucho le gros, ouais. Donc, bon, Redo, Beneblanc, besoin de rattraper nos bas, Brice. Waranda Chanel, ouais, prestige vous échu en abaden, évidemment, Richarden Télé, Armor TV, ou avec Croue des Glaceaux, bah, Miss Gwengolo d'Obilhoer, hag, un entor de zone air, en avigéro d'Armor TV, dans le département d'Audouenarvor. Ag cusu le département ne se divise de d'Iran de Rayer han de d'Armor TV ag bon c'est eu mon Chardens au vent de Blat ba fine blanc tu me suis de Gomstar vejo de Jean Rohou que bescrive de grand temps déjà d'Oliver han de fils de Plouc ag Andri et Zoton de Metz ag Azé Jean Rohou Gomz de Deuxième Hamzer, war veloa Kellen Herbascolver, hag dize Venos, war Dachen Discadures. Au Peslever, hein, Jean Rohou scrive Leverio hier. Puis on comes de Leverio Roas, Neveso, Abero et Bero, prise Thiers Carès de Daniel Cario et Vidi Lever, les chemins creux de Saint-Fiacre. Daniel Cario, so on den a zo begann ba faouet, hein, ur bla eiz a da hugen. Hag bede mes kol, med skriven, an a ade dra istol, vel skriven ur skriven eus hugen lever benek, de leverio war ur zon erez, a leverio vel le sonneur de hal, la musique en bandouillère, pe la complainte de la grive, leverio a zo skriven brau a bra de len. Bon, setu un dravad vid Daniel Cario. Bon, c'est une tombe de spessonné, vé bavro, hag, homme de l'art, kenavo d'art tout, kenavo d'art morgan. Kenou, Eri.